Éric Sarner, avant le poème. À Elias Sambar et à son peuple. La nuit est descendue, ou presque. Les nuages maintenant invisibles, ou presque. Tout de suite, le temps projette une cohue de couleurs et brumailles. Dès que possible, il faudra faire silence. Quelque chose d'exigeant, mais qui viendra sans effort. Il s'agit de s'arrêter toujours avant d'entrer dans le poème. Comme on touche un talisman avant la bataille. Comme on peut lever les yeux avant d'oser. Comme quelqu'un dans l'illusion de mourir à la conscience lorsqu'il s'en va dormir. Comme le jour disparaît derrière l'arbre à cet instant. La campagne s'efface pour la seule raison qu'elle reparaîtra bientôt. On pourrait croire que tout est simple, si simple les choses, alors que nul n'a encore cherché à les cacher, même derrière leur ombre. Qu'en sommes-nous ? Entre jamais et nulle part suspendu. Dans ce lieu où bientôt le tonnerre va rouler, c'est le destin quand il gronde, dans ces parages où l'eau fouette les eaux comme bête féroce, là où nous avons peur, comme chaque fois que nous avons peur pour de vrai. À sinistra, la morte. A destra, la morte. Nous resterons devant.